souffle s'éveille. Raides qu'il me murmure son nom s'élève. Les viewers frissonnent. La brume soulève. Ton nom serpente entre les troncs. Chaque phrase brûle, chaque souffle répond. Chaque mot m'attache, chaque souffle s'incline. Whisper.